franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 201. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 18 avril 2010, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Alors, avant tout, cette semaine, tu as conscience du désespoir que peuvent provoquer certains phénomènes tempétueux. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé d'être ferme sur les maisons qui devront être rasées, c'est bien ça? Oui, voilà. Hors de question de laisser des maisons en zone inondable. Pour toutes les zones en noir qui sont indiquées là, et là, et là, les maisons devront être détruites. Mais c'est quoi le point noir sur Paris? Des maisons à Paris aussi? Oui, Nicolas Sarkozy a décidé également de raser la maison de Rachida Dati dans le 7e arrondissement. Oui, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jaune à Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous nous pencherons ce matin sur l'épineuse réforme de nos retraites. Dans la foulée, nous te dresserons le portrait d'un second couteau de la sphère élyséenne, le théoricien du complot, Pierre Charon. Ensuite, nous arpenterons clandestinement les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont amorcé les festivités du 50e anniversaire de Brasilia, une ville futuriste que nous ausculterons néanmoins d'une oreille réaliste. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où nous découvrirons pourquoi et comment cet arnaqueur de Jean-Claude s'est lancé dans le business du télémarketing. Et puis nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un anglicisme au pluriel, les Johnnies. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une curieuse mais authentique revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et entre en éruption. She's really sweet, the finest girl that ever won me. Rite petite, c'est l'énorme tube que nous offrait Jackie Wilson en 1957, l'année même où l'adolescent John Lennon rencontrait l'ado Paul McCartney et l'année où s'ouvrait aussi à Liverpool le Cavern Club, salle mythique de la Beatlesmania où se trouvait en 1966 le premier ministre britannique Harold Wilson. J'écoute ce genre de musique lorsque j'en ai le temps et j'en prends un certain plaisir. And enjoyed. In many ways, our young people are better off, far better off, than their fathers and mothers ever were. Nos jeunes sont beaucoup plus talentueux artistiquement et économiquement que n'en ont jamais été leurs parents. Yeah, yeah, yeah. Eh bien, yeah, yeah, yeah. À 11h11, il est temps d'ouvrir ce 201e épisode de La Panique au Mangin Palace, où nos modestes péripéties laïques s'amorcent comme il se doit par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujelet qui, ce matin, a consulté pour nous le dossier épineux de l'épineuse question de nos retraites, ou de ce qu'il en reste, ou même pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en route maestro, tend bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Quel avenir pour les retraites? J'en sais rien, vas-y. Le déficit du régime des retraites. Tu sais que ça va te coûter cher. Pourrait dépasser les 114 milliards en 2050. Calculé à la seconde près. Ce qui veut dire qu'il faudrait alors cotiser 7 ans de plus dans le système actuel. C'est impossible, je n'y arriverai pas. Mais vous le savez, la réforme des retraites est en discussion. On ne me la fait pas. Les marges de manœuvre de chaque camp paraissent effectivement limitées. Et pourquoi ça? Pourquoi? Essentiellement parce que le gouvernement s'est fait très clair. Oh, je crois que vous avez tout dit. Il a exclu d'entrée de jeu une possible augmentation des impôts. Dans la même veine, pas d'augmentation non plus des cotisations qui alourdiraient les charges des entreprises. Étonnant. Il n'y a plus que deux curseurs possibles. Relever l'âge légal de départ à la retraite. Oh non ! Et augmenter la durée de cotisation. Là, de toute façon, c'est déjà inscrit dans la réforme Fillon de 2003 qui s'applique actuellement. Oh merde ! Hé, où est-elle ? Qui ça? En l'absence de Martine Aubry, on voyage en Inde. Si vous la retrouvez, téléphonez-moi au 525 48 60. L'invité de France Inter est ce matin président d'AM Conseil. Ah, ça sert à quelque chose, ça? Conseiller hyper influent, paraît-il, du président de la République. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous... Mais que se passe-t-il à l'Elysée? On a l'impression que tout part en sucette. C'est dangereux ce que vous dites là, hein? Vous pouvez non, mais dire. Non, mais attendez, on fait pas boire un vieil âne qui n'a pas soif, donc on peut changer de sujet. Je comprends rien à ce que tu racontes. Entre vieux gitans, on se raconte pas la bonne aventure. Vous êtes un vieux gitan, j'en suis un, vous me ferez pas parler. Même un enfant de 4 ans comprendrait. Donc je veux dire qu'il faut pas, comme disent les Anglais, jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Allez me chercher un enfant de 4 ans, moi je ne m'en sortirai jamais. Je pense que cette affaire ne mérite, comme on dit, donc je ne sais plus si le verre est de Corneille ou de Racine, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. L'outrage arrive toujours avant la tempête. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour Nicolas. Le corps conseil d'orientation des retraites vient de rendre son rapport. Qu'en pensez? Rien. Bon, voilà. Oh, je crois que je vois exactement ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez en penser, sinon avoir le vertige? Alors certains diront que c'était fait pour ça, justement, pour vous donner le vertige. D'autres expliqueront que ces chiffres nous obligent à l'action. Un trou de 114 milliards en 2050, je suis incapable d'en penser quoi que ce soit. Oh, dur, c'est pas le pied. Les débats sont donc multiples et passionnants. Ça ressemble à une espèce de liste de tous les jurons que vous connaissez. Et l'on se dit qu'il faudrait prendre le temps de les mener. Imaginez une campagne présidentielle avec ces sujets au cœur des débats. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Comment ça? Parce qu'il faut, paraît-il, aller vite afin de rassurer les marchés, encore eux. Bravo pour le tact. Et aussi pour que le président puisse se prévaloir en 2012 d'au moins une grande réforme à son actif. Ben, on est tombé dans le drôle de main. Et puis lors de cette interview accordée à la chaîne américaine CBS, Nicolas Sarkozy a répondu à d'autres questions d'importance. Zoltan! Zoltan! Non, vous savez, Carla et moi, on a une vie très calme et très... On est très proches l'un et l'autre et tout ceci est très exagéré. Je suis toujours désolé quand les gens s'excitent trop. Pour nous, en tant qu'êtres humains, ça n'a pas d'importance. Merci d'avoir répondu à nos questions, c'était aussi instructif que passionnant. C'était aussi instructif que passionnant, cette interview pleine de clapotis. Alors bien sûr, cette rumeur d'une aventure de la première dame avec un chanteur demeure rien de plus qu'une rumeur, qui plus est, démentie. Mais de ce clapotis a surgi le visage d'un personnage qui nous a pas mal intrigué cette semaine, celui de Pierre Charron. Homme de l'ombre, conseiller et confident du président et de madame, il est sorti dans la lumière. Et nous avons donc décidé, toujours dans le souci de mieux comprendre ce monde étrange des seconds couteaux, d'en savoir un peu plus sur ce monsieur. Pierre Charron, eh bien déjà, spécialement pour toi, nous avons dégoté un document ultra confidentiel sur ses origines et sur sa formation. Une archive qui demande une écoute attentive. Le petit Pierre Charron grandit dans ce milieu dont les charges étaient lourdes, mais qui, sinon savant, du moins apte à l'étude, savait apprécier l'effort et en favoriser les dispositions. Il étudia d'abord le droit et fut reçu docteur à Bourges, d'autres disent à Montpellier. En tout cas, c'est à Bourges qu'il se fixa dans le but d'exercer la profession d'avocat. En peu d'années, il fut dégoûté d'une fonction qui, dit-il plus tard, oblige à proférer des mensonges. Oui. Alors là, j'apporte immédiatement une petite correction. Le Pierre Charron, dont il était question dans le son que tu viens d'entendre, était un théologien et moraliste du XVIe siècle, bien loin donc de l'énergumène qui nous intéresse. Alors, la panique a cherché dans la presse quelques infos sur Pierre Charron, conseiller du président. Tiens, pour commencer, en novembre 2008, le Nouvel Obs, dans un article intitulé « Le drôle de pote de Sarko », nous apprenait que Pierre Charron fut en 1974 président du comité national de soutien à Jacques Chaban-Delmas pour l'élection présidentielle. Et on le comprend, la nouvelle société, ça faisait rêver. Les Français se plaignent qu'ils n'ont pas assez d'autoroutes, qu'ils en ont vite vu la fin. C'est vrai. Le problème est simple. Prenez un tronçon de 70 km d'autoroute sur lequel on roule à 140. On y reste une demi-heure. En considérant le prix du péage, c'est ridicule. En revanche, si l'on roule à 20 à l'heure, on y reste 3 heures et demie. Et là, ça devient rentable. Nous n'avons peut-être pas les plus belles autoroutes, mais nous avons en tout cas les plus belles bretelles. Eh oui, en 1974, Chaban s'est fait remonter les bretelles par l'électorat de droite, qui lui préféra Giscard. Bon, nous avons alors cherché ce que fit ensuite Pierre Charron et dimanche dernier, dans un article intitulé « Le bouffon du président », Le Parisien nous apprenait que Pierre Charron fut dans les années 80 attaché parlementaire de Marcel Dassault. Et ça, pour les notables, ce n'est pas une expérience professionnelle, c'est une lettre de recommandation. Mais surtout, dans cet article, nous apprenons que Pierre Charron aime les honneurs, les paillettes, la bonne chair, la chasse et surtout les potins, utilisé comme une arme politique. Les rumeurs, les infos, c'est pareil. Ça a toujours été comme ça. Propager des histoires, c'est le propre de l'homme. Relier les choses, construisez une pensée. Dans toutes les tribus, on se raconte des tas d'histoires, mais un jour, un type se met à tout écrire et on a une religion. Le Nouveau Testament, c'est une compile d'histoires qui n'arrête pas de se contredire. Je sais pas, Matthieu dit ceci et Luc dit non, c'est autre chose. Dégagez une théorie. Je dis seulement que les hommes sont semblables partout où ils sont. Et ils vivent de paroles. Ça serait bien qu'il n'y ait que des paroles nobles. Mais les histoires seraient moins drôles. C'est drôle, une rumeur. C'est drôle, une rumeur. Et en décembre dernier, dans un article intitulé « Pierre Charron, le pire de tous », les Inrecuptibles nous apprenaient que ce conseiller du président est habitué à recevoir au petit matin des coups de fil du genre « Écoute Pierre, t'es un peu déconné cette nuit. Peux-tu faire le nécessaire pour que ça ne s'ébruite pas ?» Alors, demande un si grand amateur de rumeurs, Carla Bruni n'a rien trouvé de mieux que de lui jouer un tour pendable, comme elle l'a expliqué à son Nicolas de Marie. Du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. Quoi ? J'en pouvais plus de toutes ces niaiseries, alors pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris, t'es folle ? Mais c'était la seule solution, vous êtes mon couple modèle, vous avez de la chance, je vous envie, je vous aime, j'en pouvais plus. Tu veux me quitter? Mais pas du tout, c'est une façon de lui clouer le bec, t'aurais vu sa tête. Non mais on s'en fout de sa tête, tu te rends compte de ce que t'as fait, il va le répéter à tout le monde. Mais non, je lui ai dit de garder ça pour lui, que c'était pas encore officiel. Mais tu peux être sûr que ça a déjà fait le tour. Merde. Il va le répéter à ma mère, ça va lui gâcher la journée. Mais c'est pas grave, dans deux heures je lui dirai que c'était une blague. Et voilà, une petite blagounette de Carla et patatras, la rumeur est lancée. Et il faut se méfier des langues de vipères. D'ailleurs, celui qu'en mars 2009, le magazine Marianne qualifié de « flingueur jovial de Sarkozy » aurait été apte à prévenir Carla. Quand la rumeur est lancée, c'est difficile de l'arrêter. Je me présente, Gérard Langue de Pute, chroniqueur à Bien Pensant Hebdo. À propos de Carla Bruni, hier je faisais pipi dans les toilettes d'un restaurant et debout en face de l'urinoir à côté du mien se trouvait Amanda Lear. Elle m'a dit... Attendez, je l'ai noté. Oui, j'ai toujours mes dossiers sur moi. Vous êtes seul responsable de ce que vous dites. Elle m'a dit, tu sais quoi, Carla Bruni, en fait, c'est un mec qui s'est fait opérer. Information à mettre au conditionnel, oui. Bien sûr. Je suis journaliste, moi, pas écotier. À propos de journaliste, je suis victime d'un malentendu avec la société. On me traite de ganelon, de Judas, d'Iscariote, juste parce que j'amplifie certains bruits de chiottes. La rumeur est donc lancée, reprise, amplifiée, et difficile à combattre. Selon le vieil adage, il n'y a pas de nuage de fumée sans volcan islandais. D'autant plus difficile quand un conseiller du président, en l'occurrence Pierre Charron, débarque devant les médias pour affirmer qu'il s'agit en réalité d'un complot organisé. De quoi faire bondir les services secrets. On commence donc par l'information du jour. Selon la presse traditionnelle, peut-on parler de complot contre l'État? Les services secrets français prennent l'affaire très au sérieux. Marcassin, Gibbon, si on vous a rapatrié d'Afghanistan, c'est pour une mission de la plus haute importance. Al-Qaïda, ETA? Non, Rachida Dati. Elle a tenté de déstabiliser le pouvoir. Comment? Attentat suicide, bombe? Non, SMS. Je vous le montre, c'est top secret. Hein. Nicolas et Carla sont fâchés, lol. À vous de jouer, vous avez carte blanche. La carte blanche comme la colombe, sur laquelle ne coule pas la bave du crapaud, ce fut la semaine dernière la posture de Carla Bruni, qui a évidemment démenti tout ce qui pouvait se dire sur elle. Et Carla en a même profité pour assurer Rachida Dati de toute son amitié. D'ailleurs, Rachida a aussitôt téléphoné à Carla pour la soutenir dans cette épreuve. Eh oui, laissons parler les gens. Et lorsque Pierre Charron nous parle d'un complot international organisé pour déstabiliser la République française à travers un vaudeville pas très drôle, eh bien laissons couler tout cela qui ne va pas plus loin que souligner la paranoïa des conseillers du président. Tiens, d'ailleurs, après sa sortie remarquée, là, Pierre Charron a été voir Nicolas Sarkozy à l'Élysée, histoire de faire le point. Ah, qui vois-je paraître dans ce temple de l'effort physique ? J'ai à parler, c'est important. Mais je suis tout oui, mon grand tout oui. Parce que moi, j'en ai marre des vaudevilles, des quiproquos, des histoires de placards. Ah bon, parce que pour toi, mon œuvre se résume à un vaudeville. Une comédie de mœurs bien troussée. Et pas dorénavant, tes comédies de mœurs, ben tu te les écriras tout seul. You pulled on me until you knew. like a pro. Cause you are a freedom fighter, compulsive liar, and a real good lucky tryer, more than I had ever known. My Baby Left Me, c'est la rupture amoureuse de la chanteuse Rox, plongée désormais dans un océan de solitude. Un océano-Rox, bien sûr. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien nous disparus, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan, à jamais enfoui. Alors maintenant, à 11h28, il est grand temps d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Vois-tu, à la fin des années 50, sous l'impulsion du président Kubitschek, on décida de construire au cœur du Brésil une nouvelle capitale baptisée Brasilia. En moins de 1000 jours, sous l'œil autoritaire de l'architecte Oscar Niemeyer, cette cité futuriste fut construite et le 21 avril 1960, il y aura tout juste 50 ans, mercredi prochain, Brasilia fut inaugurée. Cette ville, sans nul autre pareil et qui pourrait servir de décor aux chroniques martiennes de Ray Bradbury, est adulée par certains, mais détestée par d'autres. Toujours est-il que nos joyeux fantômes radiophoniques se sont intéressés cette semaine à ce cinquantenaire de l'actuelle capitale brésilienne. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à propos de Brasilia notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions loin de toute terre habitée, quand un homme est venu vers nous pour nous chanter les louanges d'une étrange cité construite en plein désert. Brasilia. Ce nom est comme un roulement de tambour scandant le tam-tam d'une légende qui ne fait que commencer. À 1000 km des côtes, au milieu des savanes désertiques, sorte de lieu géométrique du pays, les architectes Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Sergio Bernardes lancèrent des avenues de 160 mètres de large, là où poussait le cactus, sculptèrent dans les cieux des blocs de 25 étages, créèrent un étonnant aérodrome en forme de libellule. De jour ou de nuit, mon avion s'est posé en cette ville pareille à lui-même. Que ce fut parmi les gratte-ciels illuminés semblable à un torrent de joaillerie déversé dans le velours nocturne, ou sous le soleil torride plombant le désert, j'eus toujours la même impression. Celle de mains géantes, rouges, calleuses, striées de lignes, crevassées d'empreintes, dont les fortes paumes happaient notre vaisseau du ciel. Dans ces contrées désertiques, Brasilia est un mirage, dont personne n'a la même image. Brasilia, c'est une ville du Moyen-Âge. La ville n'a une seule rue. La ville n'a une seule place. Ce qui fait le charme des villes, c'est leurs rues et leurs places. Paris, par exemple, c'est la ville des rues, les rues de Paris. Rome, c'est la ville des places. Ici, il n'y a pas de place, il n'y a pas de ville. C'est une ville cruelle, cruelle pour l'homme. On dit qu'une force magnétique attire les gens vers Brasilia. Mais n'y a-t-il vraiment que ça? Et d'où sont venus tous ces ouvriers, toute cette population de Brasilia, qui est une ville artificielle? On les a amenés de quelque part. Les fonctionnaires viennent en général de Rio, et les ouvriers, en grande partie, viennent du nord-est du Brésil, de ce qu'on appelle le polygone de la sécheresse. Ils sont venus parce que le président Kubitschek a pratiqué une politique de haut salaire. Ils sont venus aussi parce que souvent ils ont été un peu trompés par des transporteurs qui leur racontaient l'état d'histoire, que là-bas il y avait énormément de travail, qu'on y gagnait autant d'argent qu'on voulait, dans le souci unique de remplir leur camion et de ne pas faire un tour à vide. Brasilia, c'est une ville de gens déracinés. À Brasilia, les églises ont des formes nouvelles. Ça tombe bien, les dieux aussi. Le premier monument qu'on élèvera à Brasilia, est en voie d'érection d'ailleurs, c'est le monument à la gloire du sport. Parce que justement, le président Kubitschek a dit qu'il voulait que Brasilia fût la santé morale et physique du Brésil. Les Brésiliens n'oublient pas que leur équipe de football, et je ne parle jamais de football, est une des premières du monde. Et pour honorer précisément cette équipe, eh bien, sur la stèle, il y aura d'imprimer les empreintes des pieds et des mains des joueurs de football de l'équipe nationale brésilienne. Voyez-vous donc que c'est le sport qui a d'abord son droit. Et à Brasilia comme ailleurs, les dieux sont parfois cruels, à l'image de leurs serviteurs. Bonsoir. Au sommaire ce soir, sport avec la demi-finale de futebol São Paulo contre Rio de Janeiro. Fait divers, chute d'un footballeur de Recife lors d'un match de futebol. Météo, soleil ou pluie sur Bahia pour la finale de futebol samedi prochain. Dernière nouvelle, un tremblement de terre à Brasilia, 1200 victimes, des milliers de disparus, mais je vous rassure, le terrain de football n'a pas été touché. Brésil, ton beau football de carnaval enflamme les amoureux de la balle. Brésil, Brésil. Merci beaucoup Flora Bernard pour ce voyage aux frontières du réel sur la fascinante planète Brasilia. Mais des Brasilia aussi dans nos actualités locales et foutraques. Voici maintenant notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, à 11h33, toujours en direct du Manchin Palace, il est l'heure de rejoindre notre petit village fleuri où nous attendent Monique, la tonalité, et Jean-Claude, le combiné. Oui, car vois-tu, ces derniers jours ont été placés pour nos deux héros sous le signe du téléphone. Tout a commencé lundi dernier à la maison, en fin de journée, lorsque Monique s'est inquiétée de ne pas avoir pu joindre Jean-Claude à son boulot. Le téléphone a été coupé au bureau ? Monsieur, c'est moi qui ai été coupé. Viré, compression du personnel. Dans ces cas-là, c'est toujours le dernier arrivé qui parle le premier. Mais tu m'avais dit que tant qu'Albert sera en place, il pouvait rien t'arriver. Il l'a dit, mais c'est pas lui, le PDG. Mais oui, mais tu m'avais dit que c'était lui qui décidait ces trucs-là. Oui, bah là... Bah non. Mais nous nous battrons. Ouais. Tant que je serai là, rien ne pourra nous arriver. Mais j'arrive. Ah, aide-moi. Mais comment on va faire pour la baraque? Oui. La crise ne touche pas que son voisin et ça devait arriver. Jean-Claude appartient désormais à cet immense et triste cortège de celles et ceux qui ont paumé leur boulot. Ainsi, depuis quelques jours, Jean-Claude est totalement déprimé et sacrément angoissé. Abasourdi, entre deux rendez-vous, il erre chez lui sans rien faire. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il décroche le téléphone. Allô ? Bonsoir, nous menons une enquête pour Quick Pulse. Auriez-vous le temps de répondre à quelques questions ? Bien sûr. Quel est votre emploi actuel ? Je suis sans emploi pour le moment. Pourriez-vous définir votre humeur aujourd'hui ? Excellente, bonne, neutre, mauvaise ou exécrable ? Je dirais que ça va. Y a-t-il un travail qui vous semblerait plus intéressant que votre emploi actuel ? Je n'ai pas d'emploi. C'est vrai, excusez-moi. Quel emploi souhaiteriez-vous exercer ? Je suis tenté par le télémarketing. Je me suis excusée, monsieur. Inutile de vous moquer de moi. Non, c'est la vérité. J'ai eu un entretien il y a 2 jours, mais on m'a dit que je n'étais pas assez qualifié. Croyez-moi, vous n'aimeriez pas ce travail. Mais pourquoi ? J'adore parler aux gens au téléphone et... J'ai été ravie de parler avec vous. Au revoir. Au revoir. Sans nul doute, Jean-Claude est persuadé, lui, que le télémarketing à domicile lui conviendrait parfaitement. Et comme il ne soupçonne absolument pas le terrible stress inhérent à ce sale boulot, il s'est immédiatement mis au service d'un canard local afin de refourguer des abonnements par téléphone. Par ailleurs, pour augmenter ses chiffres de vente, Jean-Claude a tenté d'embaucher son fils Rémi. T'as déjà vendu des abonnements par téléphone ? Non. T'as déjà vendu quelque chose au téléphone ? Non. Bon, t'as déjà téléphoné, oui ? J'ai essayé une fois, mais quoi ? C'était occupé. Et merde. Mais je vais m'y faire. Bon, ici, t'as une liste de numéros de téléphone. Tiens, t'as le premier numéro ici, tu le fais ? Oui. Et là, on va te répondre et tu vas dire bonjour, je vous dérange pas trop. Oui, oui. C'est parfait. D'accord. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour ? Ça va, je comprends. Là, on va te dire non. Oui, ça va. Et c'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour. Mais ça va, je comprends. Parle du concours, ça va les intéresser. Le concours ? Mais parce que souvent, les gens qui veulent pas se faire livrer le journal, ils se débarrassent de toi en disant je le prends en kiosque. D'accord. Alors là, ton argument, c'est si tu t'abonnes, tu participes à un concours. Je le prends en kiosque. Oui, mais il y a un concours. Qu'est-ce que c'est le concours ? Qu'est-ce que c'est le concours ? On peut gagner un voyage ou un dîner au restaurant Jules Verne. On peut gagner un voyage à Euro Disney avec les restes de Jules Verne. Crétin. C'est un vrai concours, ça ? C'est un vrai concours ? Mais oui. Mais oui. Qui a déjà gagné ? Qui a déjà gagné ? Oh, des tas de gens. Des tas de gens. Dis un nom fictif, n'importe quoi. Comme par exemple Monsieur Spock. Elle a pas marché. J'en foutrais des Monsieur Spock. Mais t'as dit de dire un nom fictif. Oui, mais pas fiction. Oh, c'est pas facile, hein. Donne-moi ça. Bon. T'as l'air fâché. Et évidemment, notre duo de télévendeurs ne fut pas très productif et en fin d'après-midi, mercredi dernier, aucun abonnement n'avait été souscrit, bien entendu. C'est alors que Jean-Claude a repéré une petite annonce dans ce canard régional où une société suédoise qui fabrique des couteaux de cuisine recrutait des télévendeurs, justement. Immédiatement, Jean-Claude s'est porté candidat et en compagnie de Monique, ils ont même enregistré un spot publicitaire diffusé jeudi soir sur la radio locale. Grâce à ce magnifique couteau, Godzaimas, il vous servira toute votre vie et même vos enfants et petits-enfants pourront encore couper des tas de choses avec. C'est super cool! Regardez, je coupe une chaussure avec et ensuite une tomate. Le couteau Godzaimas est intact. Regardez ce manche de pioche. Hop, je le tronçonne en petits bouts et maintenant, je coupe du pain de mie avec. C'est super cool! Je vous assure, grâce au couteau Godzaimas, vous pourrez préparer des plats qui étonneront vos amis. Comme la salade de chaussures et tomates à la sauce manche de pioche et pain de mie. Et en plus, si vous appelez maintenant, nous vous offrons un second couteau Godzaimas pour couper le premier. Bien, encore un attrape-couillon, mais figure-toi qu'à Grosboule-les-Bains, ils sont légion. Résultat, en 24 heures, Jean-Claude a explosé ses bons de commande et des centaines de ses couteaux à la con ont été vendus par téléphone. À tel point qu'il a fait bosser toute la famille et il a même embauché pour quelques extras son pote Hervé, à qui Jean-Claude a d'ailleurs enseigné sa redoutable méthode de vente par téléphone. Il y a des années de boulot là-dedans, tu rigoles. Toi, tu la connais, c'est checker, pastis et glaçons, Jean-Claude. Hervé, t'es le premier mec à qui je montre ça. C'est l'arme absolue du commercial, je peux aller en tôle avec ce qu'il y a là-dedans. Ok, je t'écoute. Ça, c'est la liste de tous les blaireaux du département. Tous les naïfs potentiels, ils sont là, avec les numéros de téléphone, les caractéristiques, il y a tout. Waouh ! Ça fait des années que je rachète en douce les fichiers des boîtes de vente par correspondance. Je classe, je fais des recoupements. Bon, ça marche comment, alors ? Je vais te faire une démo. Demain, j'ai deux interlocuteurs possibles. Monsieur Taclure, Madame Crampin. Oui. Hein ? Alors, je consulte ma méthode. Taclure, T, Taclure, voilà. Monsieur Taclure, actionnaire Eurotunnel en 92. Oh, le con ! Voilà, ça veut dire qu'il a un passif de cocu, évidemment. Hein ? Alors ça va être qui mon interlocuteur, comme ça je vais bien pouvoir lui mettre au fond. Ah oh ouais, je commence à comprendre. S'il faut, c'est repérer le mec qui s'est fait enfler au moins une fois. Ça veut dire que le plus dur est fait, après le reste ça passe comme un courant d'air. Ah ouais, ouais, attends, fais voir. Touche pas ! Bon, ouais. Attends, c'est un document précieux. Si précieux que vendredi soir, Jean-Claude avait vendu 2564 couteaux à travers tout le département. À 64 euros pièce, imagine la petite fortune. Néanmoins, il faut savoir que Jean-Claude a dopé ses ventes avec une promesse faite à ses clients, à savoir, si tu payes ton couteau sur le champ, tu es certain d'être livré dès lundi matin. Oui, sauf que voilà, entre-temps, les délais de livraison depuis la Suède ont été contrariés par le réveil d'un volcan islandais au grand désespoir de Jean-Claude. Non, qu'est-ce que vous racontez ? Il n'est stipulé nulle part 6 à 8 semaines. Monsieur, c'est le temps qu'il nous faut pour dater la commande et nous assurer sa validité. J'avais bien tout prévu dans ma tête, vous savez, il fallait que... Nous avons besoin de temps pour traiter la commande. Ouais, ouais. Il faut nous envoyer... Mais comment je peux le savoir si vous ne dites pas ça, si c'est indiqué ni dans le règlement, ni dans les clauses ? Moi, monsieur, je peux pas... C'est impossible pour qui que ce soit de savoir ça. C'est... La commande, c'est... Écoutez, je n'ai vu nulle part 6 à 8, c'est tout ça, c'est du baratin. Non, monsieur, je vous ai non. Allô ? Allô ? Eh oui, à cause d'un nuage de cendres volcaniques, le magot du Jean-Claude, lui, s'est envolé. Bien sûr, il a fallu rembourser tous les clients puisque sa promesse de vente ne pouvait être tenue. D'autant que plus personne ne voulait attendre ces 6 à 8 semaines, le temps sans doute qu'il va falloir pour que les avions reprennent le ciel. Cependant, Jean-Claude est un homme plein de ressources, un entrepreneur, un vrai. Et face à l'adversité, il ne renonce jamais. Ainsi, hier matin, il a mis au point une nouvelle stratégie de télémarketing à l'américaine devant une Monique, comment dire, pour le moins tracassée. Et ça compose tout seul les numéros ? C'est légal, ça ? J'ai pas envie qu'on t'arrête. Mais non. Ou que tu escroques les voisins. Viens voir comment ça marche. Ce petit joujou a tous les numéros de la ville en mémoire. Il les appelle automatiquement l'un après l'autre et il passe mon message. Écoute. Oh oui, oui. Bonjour, cher ami. Vous voulez avoir l'air aussi heureux que moi? C'est très facile. Vous avez ce pouvoir en vous dès maintenant. Alors servez-vous-en en envoyant $1 à l'homme heureux. N'attendez pas, le bonheur éternel ne coûte $1. Il n'y a plus qu'à rester près de la boîte aux lettres et regarder le fric s'entasser. Mais tu vas embêter des milliers de gens, tout ça pour gagner quelques misérables dollars. C'est rien d'autre que de la mendicité. De la télémendicité. Ainsi, depuis samedi matin, avec la télémendicité du Jean-Claude, les téléphones de Gros Boule-les-Bains ne cessent de sonner dans une cacophonie infernale, sans que personne, bien entendu, n'envoie le moindre copec. Pour finir, sache que ce nouvel échec de télémarketing a néanmoins réveillé l'attention des services de police, comme le redoutait Monique. Du coup, hier soir, c'est le téléphone de Jean-Claude qui a sonné. Bonjour monsieur. Bonjour Jean-Claude, ça va? Oui. Vous appelez bien Jean-Claude? Oui, oui. Et vous aimez les animaux, les marcassins? Non. Vous aimez les caresser dans la forêt? Non, non. Et votre sexe? Non. Ne niez pas, j'ai le fichier Edwige sous les yeux, il y a tout sur vous. Bien, après avoir constaté à l'instant combien le redoutable syndrome d'espionnite frappe aussi bien à Gros Boule qu'un peu partout en France, il est temps dès à présent à 11h43, toujours en direct du Mangin Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple est un authentique anglicisme décliné au pluriel, à savoir les Johnnies. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, avant tout, sache qu'en 1828, un cultivateur de Roscoff, dans le Nord Finistère, affréta un bateau, une gabarre précisément, puis la chargea d'oignons qu'il cultivait, proposa ensuite à 3 compères d'embarquer avec lui, direction l'Angleterre. Comme quoi, une économie peut très bien se développer sans transport aérien. Et ce fut le début d'une aventure incroyable, celle de ceux qui furent ensuite surnommés les Johnnies. Ainsi, en compagnie de Madame Marie-Thérèse Chapalin, fille et petite-fille de Johnnies, découvrons ensemble plus en détail et juste après la virgule ce que furent ces Bretons téméraires. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. 5 consonnes, 3 voyelles, Johnnies. Il y avait des producteurs d'oignons qui sont allés en Angleterre vendre leur production. Et là-bas, ils emmenaient leur fils qui, à l'époque, puisque ça a commencé en 1838, ou 28 plutôt, ils emmenaient leurs enfants de 9-10 ans, comme à l'époque il y avait les enfants jeunes dans les mines ou dans les industries naissantes en Angleterre. Et ce sont les Anglais qui ont donné un surnom un peu affectueux à ces petits-enfants en les appelant Johnny. Hey, qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, solage, beer, Coca-Cola, martini, Angel Rex. Non, Rex. Oh, c'est bien. Oui, c'est très bien. À l'époque, d'ailleurs, ces producteurs qui allaient en Angleterre n'avaient qu'un nom en breton, parce que c'était le breton leur langue. On les appelait les Pautrets Brosaus, c'est-à-dire les hommes qui vont en Angleterre. Et ensuite, quand les Anglais ont commencé à appeler les enfants Johnnies, ils ont récupéré le nom pour eux, même pour les adultes. Et donc, ils se sont appelés Arjoniguet en breton, parce que leur langue, c'était quand même que le breton. Et revenu en français, ça a été les Johnnies pour tout le monde. Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, my tailor is rich. Qui a soufflé? Après la Révolution, ils essayaient de vendre leurs légumes et avec leurs charrettes, puisque c'était les laboureurs, appelés ainsi parce qu'ils avaient un cheval de labour. Alors que des paysans plus riches pouvaient avoir 3 ou 4 chevaux et qui, eux, n'étaient pas maraîchers, primeuristes comme ça. Ils avaient encore des grandes terres sur lesquelles ils ont dû cultiver du lin et des céréales beaucoup plus longtemps. Mais les petits, qui n'avaient que quelques champs et beaucoup de main-d'œuvre, il y avait des familles très nombreuses à l'époque, sont partis aller vendre leur charté de légumes à Lorient, jusqu'à Rennes. Enfin, évidemment, ça ne rapportait pas beaucoup. Et l'un d'eux, en 1828, a eu l'idée d'affréter une gabarre et de partir les vendre à Plymouth, de l'autre côté de la Manche. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon car il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Oppa camarade, oppa camarade, oppa, oppa, oppa. Oppa camarade, oppa camarade, oppa, oppa, oppa. Alors on demande souvent, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés en Angleterre et pas à Paris? Eh bien parce qu'il n'y avait pas de transport. Il était plus facile d'aller par mer l'autre côté de la Manche, alors qu'il n'y avait ni train, ni route, ni voiture, bien sûr, pour venir à Paris. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous change en lion. Ils ont créé, ce qui était très intéressant, c'est que venant d'un ensemble très populaire, ils ont créé une classe moyenne tous ensemble à Roscoff. Heureusement qu'il y a Johnny. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu le thé. L'usage du thé, par exemple, a supplanté le café très tôt dans la région de Roscoff. Et les Johnny ramenaient même des bouteilles Thermos, ce qui est une marque anglaise aussi, qu'on ne connaissait pas en France. Et ils allaient au champ, ils emmenaient leurs bouteilles Thermos de thé. Et bien sûr, puisque leur boisson, c'était quand même du vin rouge, quelquefois, ils ajoutaient un petit peu de vin rouge pour refroidir le thé. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Par ailleurs, sache que c'est Johnny's, ces vendeurs d'oignons bretons qui faisaient du porte-à-porte outre-Manche et qui portaient leurs marchandises tressées sur leurs épaules, furent de véritables héros aux yeux des Bretonnes qui leur écrivaient des lettres enflammées lorsque ces Johnny's étaient loin de Roscoff. Ah oui, je sais, j'y ai mis pour commencer. Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Tu sais ce qu'elle a mis, Jocelyne, entre parenthèses? Johnny, ton sexe. Je te jure, les filles exagèrent. Hein. Si les parents savaient. Moi, je mets seulement je te veux, c'est quand même plus réservé. J'y ai mis comme tu es beau. Oh, dis, c'est vrai qu'il est beau, dis. Ce travail au palais des sports. Moi, c'est simple, quand il quitte sa chemise, je me contrôle plus. Je dis qu'il n'y a pas un gars qui est capable de faire ce qu'il fait. J'y ai mis aussi ta liberté, c'est mon bonheur. Ça, c'est beau comme formule, hein. Remarque, j'ai pas tourné comme ça, j'ai réfléchi. Je signe pas, comme ça, il saura pas qui c'est, de toute façon. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois, ça me met en joie d'écouter jouer sur un crin-crin un vieil air du folklore américain. Aussitôt, je me vois déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allé. Mais je connais tous ses refrains, tous les airs du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas pour pouvoir danser aussi comme les filles du Tennessee. Les premiers temps, je lui demanderai si comme moi il aime bien les vieux airs du folklore américain. S'il a dit oui, c'est merveilleux, nous pourrons rêver tous les deux que l'on se promène dans la nuit sous les étoiles de la Virginie. tard si nous nous marions. Ce n'est pas Venise que nous choisirons, car les gondoles ça ne vaut rien pour les airs du folklore américain. Je voudrais tellement qu'il soit aussi sentimental que moi. Au bord du Mississippi, nous pourrions passer notre vie. Le folklore américain que vivait Juliette Gréco en 1966 n'est rien à côté du folklore d'un bon Gréco aujourd'hui. Laisse, je vais commander pour toi un grec, frites, avec plein de frites, salade, tomate, oignon, sans oignon, ketchup, mayo, sauce blanche. J'adore. Excuse-moi, c'est la bière. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Manche à Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Ah Philippe, c'est simple, je vous le dis avec beaucoup de retenue, c'est l'apocalypse. Il n'y a plus d'avion. Ne m'en parlez pas. Bah oui, c'est la fin de la civilisation. Alors, soyons honnêtes, Philippe, dans notre société si baignée de bigoterie et de superstition, cette éruption volcanique ressemble fort à une manifestation divine. Alors, afin de comprendre pourquoi Dieu est en colère, j'ai cherché dans la presse les signaux annonciateurs d'un chaos général. Et j'ai relevé pour vous quelques présages mystérieux qui n'indiquent rien de bon, je vous le dis tout de suite. Alors allons-y, parfait. Et cette semaine, il s'en est passé de drôles de choses sous le manteau rocheux sur lequel repose la couche terrestre, aussi fragile que notre condition humaine. Et ce mois-ci, le livre des prophéties, c'est sans doute le bimestriel Dossier pour la science, le magazine thématique de l'actualité scientifique qui a été le plus perspicace sur ce sujet volcanique. Car ce numéro de Dossier pour la science est consacré à la Terre à cœur ouvert, du noyau au volcan. Paru au début du mois, c'est-à-dire sans même savoir que les volcans seraient au cœur de l'actualité. Ah, ils sont très très forts, hein, vous avez vu ça? 120 pages, rien que sur les volcans, avec pléthore d'universitaires spécialistes du sujet. C'est juste très bien fichu, tous les aspects de la question sont intelligemment abordés comme ça, avec plein d'illustrations, c'est très beau, c'est très bien fait. Et puis les questions importantes sont posées. Philippe, panache chaud? Mythe ou réalité? Eh ouais, hein, bah, écoutez, vous irez lire Dossier pour la science, vous le saurez. Et le dernier article de ce numéro s'intitule « L'éruption volcanique, un phénomène rare ». Ouais, un article dans lequel l'argumentation repose essentiellement sur des exemples islandais. Bah, c'est ballot, hein. Pourtant, ces scientifiques ne sont pas des brêles. Ils savent qu'on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan, etc. Voilà, donc, ce dossier pour la science, je vous le rappelle, a paru avant cette éruption qui enquiquine tant l'Europe. Et il est d'autant plus intéressant qu'il est loin des angoisses aéroportuaires. Puis surtout, ce sont de vrais spécialistes qui analysent le sujet. Parce que, je vous le dis, hein, il est facile de se gameler lorsqu'on essaie d'expliquer ce qui se passe sous terre. Philippe, j'ai relevé un signe probant de la fin des temps. C'est dans Libération de jeudi dernier. On y apprend qu'une équipe d'archéologues égyptiens qui travaille sur le site de l'oasis Al-Bahariya, au sud-ouest du Caire, aurait mis au jour une momie. Oui, alors, aurait mis au jour. Je ne sais pas pourquoi ils mettent un conditionnel. Je ne sais pas. Libération se méfie des rumeurs, même archéologiques. Donc, des archéologues égyptiens auraient mis au jour une momie datant de l'ère gallo-romaine, nous dit Libération, qui précise aussitôt environ 2300 ans avant Jésus-Christ. Gréco-romaine, 2300... Oh là, 2300... Mon Dieu, mais... Oh, ça nous repousse au maire et d'un seul coup, c'est la fondation de Rome de près de 1500 ans. Ça, c'est très, très inquiétant, hein. Oh, excusez-moi Philippe, j'entends un auditeur qui vient de dire à côté de son transistor que d'après lui, c'est une adaptation pour les momies de la réforme des retraites pour les salariés. 1500 ans de plus, voilà, bah, c'est pas faux, hein. Paix à leur cendre. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai relevé un autre signe très inquiétant, sans doute un effet de ces cendres invisibles, mais bien présentes, qui détraquent l'humanité en ce moment. Je l'ai trouvé sur le site du journal L'Alsace, qui nous apprend qu'un lycéen de 21 ans a été interpellé à Strasbourg pour avoir forcé 154 voitures depuis un an. pour y boire et y fumer peinard à l'abri. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais surtout, il s'agit de 154 Twingo. Voilà, le type a trouvé une pure technique pour ouvrir les Twingo en pliant la portière. C'est un hacker de petites voitures, voilà. Personnellement, je pense, Philippe, quand les gens se mettent à forcer des Twingo à la chaîne, c'est aussi inquiétant qu'une pluie de grenouilles, hein, ou qu'une nuée de sauterelles. Voilà, ça, c'est des faits troublants, ça fait peur tout ça. Inquiétant. Un autre fait troublant, Philippe. Une dépêche de l'AFP nous apprend cette semaine qu'à Étampes, lors d'une perquisition chez un quidam, la police a trouvé 2 carabines. Bon, normal. 3000 timbres. Bon, le type aime écrire, on ne peut pas lui en vouloir. Mais surtout, on a trouvé chez ce bonhomme une 60aine de billets de 20 euros, tous découpés. Tous. Un grand rectangle au milieu et des petits trous aux 4 coins. Alors oui, très bizarre. La police est intriguée. Hein. Mais pourquoi ce découpage? C'est très très bizarre. Ça les tracasse et oh, les auditeurs sont formidables. J'entends quelqu'un qui vient d'émettre une hypothèse sur ces billets complètement découpés. Hein, ils serviront sans doute à payer des ouvriers délocalisés qui vont trimer à l'autre bout du monde pour quelques sous percés. Voilà, bah oui. Bon, voilà pourquoi pas faire des petits trous sur des billets de banque. Hein. Mais bon, s'attaquer au dû argent, c'est quand même un gros sacrilège. Hein. D'ailleurs, autre sacrilège, c'est le quotidien brésilien O Globo qui nous raconte ça. À Rio de Janeiro, l'imposante statue du Christ, les bras déployés, flanqués sur les hauteurs de la colline du Corcovado, a été vandalisée. Depuis mardi, c'est vrai qu'il était difficile d'y accéder à cause des éboulements. Et quelques vilains sacripants ont tagué le Christ. Ils ont profité des échafaudages en fait, installés pour restaurer la statue. Et vous savez ce qu'ils ont écrit? Non, mais c'est incroyable. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ben oui, Philippe, c'est un peu comme l'emploi industriel en France. Hein. Quand l'État n'est pas là, ben, mon bon monsieur, tout volcan. Merci beaucoup, monsieur Mauduit. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 201e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Manche à Palace, une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Aux platines et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Et assister aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Basile Bocquer, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin, merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'aux documentalistes de Lina et à Marie Bertin, notre stagiaire. J'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous, car vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages la semaine dernière pour la 200e. Alors merci beaucoup. Et voilà, pour toutes les informations supplémentaires, justement, la panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr, pour une rediffusion consacrée à la Bretagne. Mais avant cela, rendez-vous samedi dans notre cellule de dégrisement, toujours à 11h sur France Inter, avec quelques aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.